le sexisme, les maladies, les problèmes familiaux, c'est tous des problèmes à l'État. En inventant plus, nous aussi comme ça, si on trouve la solution, c'est tout pareil, il faut à faux problèmes, fausses solutions. On n'avance pas, on recule, le monde va en marche arrière, comme si le vent nous a poussé en avant. Maintenant, on rebrousse le chemin. Les moteurs nous permettent de plus suivre le vent. On se croit indépendant, mais on se perd à force de faux progrès. Mon cœur, âme perdue, dans le labyrinthe de l'amour pleure. Ces larmes que toujours voient défiler ces jours qui passent sans se soucier. Des perles d'amour que je te donne chaque jour. Chaque fois que j'écris mon cœur, il a déjà fait assez de perles pour faire un joli collier. Mais joli n'est que joli, et moi ce que je veux, c'est faire le magnifique. Pour cela, j'ai besoin du fil doré que crée ton cœur. L'âme de mon cœur commence à trouver la sortie du labyrinthe. J'entrevois le bout du fil et il me guide vers toi et ton amour que j'espère comme... qui j'espère commence à bourgeonner. Le collier, une fois fini, avec mes paroles et ton fil, pourrait nous unir et on pourrait s'aimer. Mon cœur, âme perdue, dans le labyrinthe de l'amour pleure. Ces larmes qui toujours voient défiler ces jours qui passent sans se soucier. Perles d'amour que je te donne chaque fois que j'écris mon cœur. Il a déjà fait assez de perles pour faire un joli collier. Mais joli n'est que joli, et moi ce que je veux, c'est faire le magnifique. Pour cela j'ai besoin du fil doré que crée ton cœur. L'amorce de mon âme. Je pars sans bouger, le train file, je passe le passage des fils, mon regard se perd. Mon regard se perd, mon regard se perd dans la mer. Bleu sous le ciel bleu, bleu sous le ciel bleu, mon cœur bleu gris. Les cailloux me voient défiler du haut de ces collines. Marseille s'éloigne, moi dans le train, j'entends l'heure, mon heure. Le train est une vie et chaque gare une mort ou un amour. Le voyage est une vie, c'est beau la vie. De la folie peuplant les abîmes enragés de mon cœur, je ne connais que le fond. De la folie peuplant les abîmes enragés de mon cœur, je ne connais que le fond. Et ce fond, c'est toi, toi être de malheur, qui à mon cœur ni à moi ne pense. Et je le vois entre être de malheur, me veux-tu pénitence ?